بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ف aujourd'hui je fais le résumé et la traduction de ce résumé du cours de notre cher Khalid Uthman Abu Abdul A'la حفظه الله تعالى dispensé hier soir qui est le cours mensuel que nous avons avec lui, où il fait le commentaire durant ce cours de l'épître de As-Sultan Muhammad ibn Abdullah ibn Ismail al-Alawi, As-Sultan Muhammad al-Thalith, rahimahullahu ta'ala, cette épître intitulée Mawahib al-Mannan. Et donc le cours était le sixième cours. Notre cher Cheikh Khalid Hafidhahullah commença le cours en remerciant et en louant Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ce retour à notre cours mensuel qui n'a pas été dispensé le mois dernier, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Et Cheikh de préciser que ceci n'est pas à cause du mois de Ramadan, mais plutôt d'autres empêchements. Car en vérité, le mois de Ramadan est un mois où la science ne s'arrête pas et la recherche de la science ne s'arrête pas. Et comme notre cheikh l'a évoqué, il a une recherche concernant cela dans son livre Ihya al-Sunan wa Imatatul Bid'a fi Ramadan, un livre qui est édité. Une recherche qu'il a appelée la recherche de la science pendant le mois de Ramadan et les assises de science pendant le mois de Ramadan, où il évoqua plusieurs paroles des gens de science, de même que plusieurs récits rapportés des gens de science sur le fait qu'ils ne s'arrêtaient pas de lire avec leurs élèves pendant le mois de Ramadan, de même qu'ils ne s'arrêtaient pas d'enseigner, et il rapporta plusieurs récits rapportés où il lisait des parties, des livres rassemblant des hadiths et autres parmi les livres pendant le mois de Ramadan avec leurs élèves. Et il nous précisa que il rajouta ce qui est imprimé dans le livre, plusieurs recherches qu'il enregistra pendant le mois de Ramadan dernier, pendant des assises. Puis nous avons commencé la lecture du livre Mawahib al-Mannan, dont la traduction approximative sera celle que je propose ici. Le chapitre du mérite de faire mémoriser l'ouverture du Coran, donc Al-Fatiha, et le Hizb de Sabbih en totalité ou en partie aux enfants. Puis le Sultan dit, il est particulièrement demandé à l'enseignant des enfants d'apprendre à l'enfant l'ouverture du livre, donc Al-Fatiha, jusqu'à ce qu'il la mémorise telle qu'elle est, car son apprentissage est une obligation pour toute personne responsable aux yeux de la législation, à qui il est possible d'enseigner. Ceci car sa récitation est obligatoire dans toutes les prières. Ici, notre cheikh nous dit que ceci est un chapitre par lequel Sultan Muhammad, rahimahullah, orienta l'enseignant à commencer par cela avec ses élèves. Et les musulmans sont d'accord sur le fait que Al-Fatiha, la sourate d'ouverture du Coran, Al-Fatiha, est la première des choses par laquelle on commence, et la première sourate que l'on commence à enseigner à une personne. Et le cheikh de nous dire que certes elle est Al-Fatiha, l'ouverture, car elle vient au début du Mus'haf, c'est la première sourate qui vient lorsque nous ouvrons le Mus'haf, même si ce n'est pas la première sourate qui fut descendue. De même que cette sourate, Al-Fatiha, c'est celle par laquelle nous ouvrons chacune de nos prières. Le début de chacune de nos raka'at est la lecture de Al-Fatiha. Et donc c'est celle par laquelle nous commençons dans l'apprentissage des enfants et des musulmans en général. Le cheikh de nous dire que la prière de l'un d'entre nous, n'est pas valide que si nous lisons Al-Fatiha. Et c'est pour cela qu'il est impératif de l'apprendre et de la réciter de manière correcte, comme il se doit. Puis le cheikh de nous dire que Al-Fatiha n'est pas à lire, il n'est pas légiféré, plutôt ceci relève de l'innovation, le fait de lire Al-Fatiha au début de An-Nikah, c'est-à-dire du mariage ou du contrat de mariage. Et le cheikh de nous dire que ceci est l'habitude des gens d'Égypte. Et ici une parenthèse, le fait est que ceci n'est pas une habitude seulement des gens d'Égypte, nous le trouvons dans beaucoup d'autres pays, au point qu'ils appellent le contrat de mariage, le mariage des appels Al-Fatiha. Je referme la parenthèse, donc notre cheikh nous dit que ceci n'est pas légiféré, ceci relève plutôt de l'innovation. Puis, Al-Sultan Muhammad Al-Alawi, rahimahullah, dit, dans le sens de ses paroles, en outre, elle contient les secrets du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il dit, et enfin, il lui suffit comme mérite, dans ce qui a été rapporté à son sujet, ce qu'a rapporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après son Seigneur, azza wa jal. Allah dit, selon une traduction du sens, « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur a ce qu'il demande. » Ainsi, lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Lorsqu'il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Lorsqu'il dit « Maliki Yawmiddin », bien sûr ici, « Al-Qira'ati Warsh » dans « Al-Matn », dans le livre de As-Sultan, « Maliki Yawmiddin », Allah dit « Mon serviteur m'a honoré ». Lorsqu'il dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur a ce qu'il demande ». Lorsqu'il dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin », Allah dit « Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il demande ». Ici, notre cheikh commenta ce hadith en disant que c'est un hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam muslim. Et ce hadith renferme l'une des preuves les plus solides et les plus fortes qu'utilisent les gens de la sunna, Ahl Sunna, concernant le fait que At-Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, se divise en trois catégories. Comme vous le savez, Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid, l'unicité dans la seigneurie, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration, ou Tawhid al-Asma wa al-Sifat, Tawhid al-Asma wa al-Sifat, le Tawhid dans les noms et attributs. Et donc, le shir de nous dire que ce hadith, chez les gens de la Sunna, est une des preuves les plus fortes concernant cela, le fait que le Tawhid se divise bien en trois catégories. Et que ceci est affirmé par ce qu'on appelle l'istiqra, c'est-à-dire le fait d'avoir lu les textes du Coran, de la Sunna, et d'avoir recherché dans ces textes ce qui montre, ce qui indique cela. Et il y a dans cela une réponse, une réfutation. Il y a dans cela une réponse et une réfutation à ceux qui cherchent à induire en erreur les gens de la Sunna en disant que ceci est un sujet istilahi, c'est-à-dire où les gens se sont accordés pour dire que le tawhid se divise en trois parties, et non istiqra'i, c'est-à-dire qu'ils disent que ce n'est pas quelque chose où il y a des preuves qui montrent cela, que le tawhid se divise en trois parties, comme les gens de la sunna le disent. Et comme nous le voyons clairement dans ce hadith, comme nous le voyons clairement dans Fatihat al-Kitab, où ces trois sortes de tawhid sont évoquées dans Surat al-Fatiha, comme il est indiqué ici dans ce hadith. Mais plutôt que c'était une affaire qui est istilahiyya, une mas'ala istilahiyya, c'est-à-dire que nous nous sommes accordés sur cela. Et bien sûr, comme nous le rappelle le shir, la différence c'est que ce qui est istilahi, il n'y a pas de mal à ce que chaque peuple, chaque personne, chaque groupe s'accorde sur ce qu'ils ont envie de s'accorder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème si tel groupe s'est accordé sur cela et tel groupe s'est accordé sur une autre chose. Donc, ceux qui prétendent que cette mas'ala, ce sujet, le sujet de diviser le tawhid en trois sortes, est une mas'ala istilahiyya, donc où les gens se sont accordés dessus, disent que eux, en parlant des gens de la sunna, on dit qu'ils sont de trois catégories, nous nous disons qu'ils sont de 10 catégories. Il n'y a pas de mal, puisqu'il n'y a pas de mal à diverger sur quelque chose sur laquelle nous sommes accordés. Et ceci, comme nous l'a dit le Cheikh, est une manière que ces gens-là, parmi les gens de l'innovation, parmi eux, comme a cité le Cheikh, Al-Ikhwan, Al-Muslimoun, ont imputé cela aux gens de la Sunna et ont fait que ceci est une caractéristique par laquelle ils se démarquent, c'est-à-dire cela, les gens de la Sunna, ils disent trois catégories, il n'y a pas de mal à ce que nous, nous disions 10 catégories, etc. Et ceci, sans aucun doute, est une ambiguïté de ces gens de l'innovation, plutôt comme nous l'avons vu dans ce hadith, comme nous le voyons dans Surat al-Fatiha, comme nous l'a évoqué le Cheikh ici, c'est une mas'ala istiqra'iyya, c'est-à-dire que les textes, après avoir révisé, avoir lu les textes, nous avons pu sortir de ces textes-là, ces preuves qui nous montrent cela. Ces preuves qui nous montrent cela. Donc, ce qui est istiqra'i, donc selon ce que les savants ont pu lire des textes, eh bien, il n'est pas permis de dire, de repousser cela, de rejeter cela, car les preuves sont effectivement là. Comme nous le dit le Cheikh ici, il nous dit donc la différence entre ces deux choses, l'istilah et l'istiqra'i, c'est que l'istiqra'i est une chose qui est présente. C'est une chose que nous pouvons voir, comme nous pouvons le voir dans ce hadith, comme nous le voyons dans le Fatiha. Les preuves sont claires et sont présentes. À l'inverse de l'istilahi, le fait que chaque personne, chaque groupe se sera accordé pour dire que, voilà, nous disons que le tawhid et de trois sortes, certains diront deux, certains diront dix, il n'y a pas de mal à cela. Et nous pouvons diverger sur cela, il n'y a pas de mal. Et le Cheikh nous rappelle que il a détaillé cela, cette affaire, dans son livre « Al-Hudud al-Fasila », dans sa réfutation et sa réponse à Abu Ishaq al-Huwayni, cet innovateur et d'autres parmi les innovateurs. Puis le Cheikh nous évoque un hadith, le hadith de Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, qui se trouve auprès de l'imam al-Bukhari dans son Sahih, où il dit, radiyallahu anhu, je priais dans la mosquée, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé. Et je ne lui ai pas répondu, car il l'a appelé pendant qu'il était en prière. Je ne lui ai pas répondu, je ne suis pas venu lorsqu'il m'a appelé. Puis, lorsqu'il finit sa prière, il dit, ô messager d'Allah, j'étais en prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah azza wa jalla ne dit-il pas, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie. Ici, bien sûr, dans le sens approximatif des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Anfal, le verset numéro 24. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, radiyallahu anhu, dans le sens de ces paroles, bien sûr, je vais certes t'enseigner une surah qui est la plus grandiose des surahs du Coran. Et ceci avant que tu sortes de la mosquée. Puis il dit, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ma main et ils avancèrent donc en direction de la sortie. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut sortir, je lui ai dit, donc Abu Sa'id ibn al-Mu'alla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit, ne m'as-tu pas dit que tu allais m'enseigner une surah qui est plus grandiose, qui est la plus grandiose des surahs du Qur'an? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, elles sont, donc ces paroles ou ces versets sont As-Sab' al-Mathani, c'est-à-dire les sept répétés, et Al-Qur'an al-Azim, le Qur'an grandiose, le Qur'an magnifique qui m'a été donné, dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam. Et notre cheikh nous dit que cette histoire fut rapportée d'une manière un peu différente dans le musnad de l'imam Ahmed selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Et ce hadith, donc rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, donc cette histoire qui fut arrivée à Ubay ibn Ka'b, qui ressemble à cette histoire avec Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, a été authentifiée par Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala dans son authentification du tafsir d'Ibn Kathir. Et Al-Hafidh ibn Hajar nous dit que ce sont deux histoires différentes. Et comme nous l'a expliqué notre cheikh, il est possible qu'il y ait une même histoire, mais qui soit arrivée avec, dans deux moments différents. À deux moments différents, à deux sahabis différents, mais ce soit la même histoire, donc la même parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aura donné à plusieurs parmi les sahabas à des moments différents. Et donc ce hadith, qui se trouve dans le musnad de l'imam Ahmad, avec Ubay ibn Ka'b, est à peu près la même histoire comme il nous l'a dit. Et donc Cheikh nous lit une partie de cette histoire. Donc Ubay était en train de prier, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela. Il ne répondit pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Et Ubay ibn Ka'b lui dit: car j'étais en prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui évoqua ce verset de Surat al-Anfal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: aimerais-tu que je t'enseigne une surah où il ne fut pas descendu une surah telle que celle-ci, ni dans la Torah, ni dans les psaumes, ni dans l'évangile, ni même dans Al-Furqan, le discernement, c'est-à-dire le Coran? Ubay ibn Ka'b de dire: bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dans le sens de ses paroles: j'espère que tu ne sortiras pas de cette porte sans l'avoir apprise. Puis ils commencèrent à marcher vers la sortie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la main de Ubay et commença à lui parler. Et Ubay de dire: je ralentissais de peur d'arriver à la porte de la mosquée sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fini ce qu'il voulait me dire. Puis lorsque nous sommes arrivés proches de la porte, je dis: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est cette surah que tu m'as promise? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: que lis-tu dans ta prière? Puis obéit de lui dire: j'ai lu la mère du Qur'an, Umul Qur'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dans le sens de ses paroles: par celui qui détient mon âme dans sa main, il ne fut pas descendu ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Qur'an, le Furqan, le discernement, comme celle-ci. Et elles sont certes les sept qui se répètent, Seb al-Mathani, dans une traduction approximative de ce hadith. De même qu'il fut rapporté, le Cheikh nous évoqua un autre hadith concernant le mérite de Surat al-Fatiha, ce hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, où il dit, dans le sens de ses paroles: alors que Jibril, alayhi salam, était assis auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendit un bruit d'au-dessus de lui, il leva sa tête, puis Jibril dit: ceci est une porte des cieux qui s'est ouverte aujourd'hui et qui ne s'est jamais ouverte avant ce jour. Il descendit de cette porte un ange. Et Jibril de dire: celui-ci est un ange qui descendit sur terre, il n'est pas descendu sur terre avant ce jour. Puis il passa le salam et dit: je viens donner la bonne annonce, je viens donner la bonne annonce de deux lumières qui t'ont été données et qui n'ont pas été données à un prophète avant toi. Quelles sont ces deux lumières? L'ouverture du livre, Fatihatul Kitab, et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Puis de dire: tu ne liras pas une lettre de ces deux-là, c'est-à-dire de ces deux versets de Surat al-Fatiha, ces deux versets de Surat al-Baqarah et de Surat al-Fatiha, tu ne liras pas une lettre sans qu'il te sera accordé ce que tu auras demandé. Donc dans ces versets, dans la lecture de ces versets, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et notre cheikh de dire que ceci nous montre que Al-Fatiha est la surah la plus grandiose du Coran. Puis Al-Sultan Muhammad Al-Alawi dit dans son livre: puis il est particulièrement recommandé, il est particulièrement demandé à l'enseignant de fournir des efforts, en premier dans l'enseignement du Hizb Sabbih, et d'y revenir souvent avec l'enfant par la récitation et le cours, jusqu'à ce qu'il la mémorise et qu'il le connaisse par cœur. Ceci puisqu'il renferme les courtes sourates de Al-Mufassal. Et donc ici, Sultan Muhammad Al-Alawi les a appelés Sirar Al-Mufassal. Et notre cheikh de dire ici, Sirar, il est meilleur de dire Qisar Al-Mufassal, les courtes, à l'inverse de Sirar qui sont les petites. Il est meilleur de dire Qisar, donc les courtes de Al-Mufassal et non Sirar, comme l'a dit Al-Mu'allif, comme l'a dit Sultan Muhammad, rahimahullah ta'ala. Donc il dit, les courtes surates de Al-Mufassal et d'autres parmi ces surates médianes, avec la mère du Coran, Al-Fatiha, que l'on récite dans la plupart des prières. Vient étayer cela ce qu'a rapporté l'imam Ahmed, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le hizb Sabbih isma rabbika al-a'la, il le récitait avec assiduité, avec Hal ataka hadithul ghashiyah, donc surat al-ghashiyah, pendant le dhuhr et l'asr. Ici, notre cheikh de dire, premièrement, ce hizb, sabbih, il n'y a pas de doute que l'enfant, comme la personne des gens de la masse des musulmans, a besoin de le connaître, car c'est une chose qui, c'est-à-dire ces sourates qui se trouvent dans ce hizb, sont souvent lues dans la prière. Ce sont des sourates qui sont souvent, qui reviennent et qui sont lues souvent dans la prière. Et ici, donc, As-Sultan al-Alawi dit, car le prophète, à savoir que le vient étayer cela, ce qui a été rapporté l'imam Ahmed, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le hizb sabbih, et le shir de commenter et de dire ici, ce hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed n'est pas authentique. En revanche, le fait que il lisait comme Sultan Muhammad ibn Ismail al-Alawi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ces deux sourates, Sabbih isma rabbika al-a'la et hal ataka hadithul ghashiyah, pendant la prière de dhuhr et de l'asr. Et de surcroît, il les récitait avec assiduité pour la prière du vendredi et des deux Eid. Aussi, ce qu'il a dit à Mu'ad en l'exhortant, en lui disant, l'un de vous ne récite-t-il pas Sabbih isma rabbika al-a'la wa shamsi wa duhaha et al-fajr. Le shir de commenter, de dire, en revanche ici, donc le fait que le prophète sallam aimait Al-Musabbiha ou Sabbih, ce hadith rapporté par l'imam Ahmed n'est pas véridique. Par contre, le fait qu'il récitait ces deux sourates, Sabbih isma rabbika al-a'la et Sourat al-Ghashiyah, dans la prière de Dhuhr et de l'Asr, de même qu'il le récitait pendant la prière du vendredi, de même que celle des deux fêtes, des deux Eid, ceci est authentique. De même que cette histoire qui fut rapportée où il dit à Mu'adh, l'un de vous ne récite-t-il pas Sabbih isma rabbika al-a'la wa shamsi wa duhaha, etc. jusqu'à la fin du hadith. Ceci est un hadith qui est authentique, se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. C'est un hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdillah, de même que l'imam al-Bukhari le rapporte à plusieurs endroits de son Sahih dans ses tabouibat, c'est-à-dire ses titres de chapitres. Puis, As-Sultan al-Alawi dit, il dit, il fut rapporté qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, pria le Maghrib al-Isha avec la sourate par le figuier et l'olivier, wa tini wa zaytoun, ainsi que la prière du matin avec la sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre la nuit du Qadr. Le shir de nous dire, concernant wa tini wa zaytoun, il est rapporté de manière véridique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en voyage et a lu cette sourate dans la prière de l'Isha, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. De même qu'il est rapporté chez Ahmed, dans son Musnad, qu'il a lu dans la deuxième raka'a de la prière de l'Maghrib, Wattini wa Zaytoun. Donc il est bien légiféré de lire parfois cette sourate dans la prière de l'Isha ou dans la prière de l'Maghrib, comme l'a évoqué As-Sultan al-Alawi, rahimahullah. Puis, As-Sultan Muhammad al-Alawi dit, Ibn Auf dirigea la prière avec la sourate de l'Asr et la sourate lorsque vient le secours d'Allah. Il ordonna aussi, sallallahu alayhi wa sallam, de réciter dans la prière ou pendant la prière les deux protectrices, al-Mu'awwidhatayn, donc sourate al-Falaq ou sourate al-Nas. Ici, le Cheikh nous parla ou commenta cette partie concernant al-Mu'awwidhatayn, donc les deux protectrices, donc al-Falaq ou al-Nas. Il dit que ceci est rapporté de manière véridique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait la protection par ces deux protectrices. En lisant ces deux protectrices, il est rapporté que lorsqu'il fut ensorcelé, sallallahu alayhi wa sallam, car en effet il est authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé par un juif qui s'appelait Labid ibn al-Asam, qui l'a ensorcelé, comme le shir nous le rappelle ici. Ceci nous montre que la sorcellerie est effective, la sorcellerie existe bien, À l'inverse de certains parmi les gens de la bid'a comme le Mu'tazila et autres qui ont nié l'œuvre de la sorcellerie, le fait que la sorcellerie existe réellement. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien été ensorcelé par l'abid ibn al-A'sam, le juif. Et il recherchait la protection par ces deux-là, al-Mu'awwidhatayn, il recherchait, il se faisait ruqya comme cela, et comme le shir nous le dit ici. Lorsqu'il avait mal quelque part, le professeur Sam, il réunissait ses deux mains, il crachotait dans ses deux mains et il récitait « Al-Mu'awwidhatayn », ses deux protectrices, « Al-Falaq » ou « Al-Nas ». Et il ordonna de faire cela. Il ordonna à certains parmi ses compagnons de faire cela. Et il est rapporté qu'avant que « Al-Falaq » ou « Al-Nas » descende, avant que ces deux sourates descendent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala par des invocations. Et lorsqu'elles sont descendues, il a délaissé ses invocations qu'il utilisait et il recherchait la protection d'Allah Azzawajal par la lecture de ces deux sourates, Al-Falaq wa Nas, comme Cheikh l'a dit précédemment, en réunissant ses deux mains, en crachotant dedans. Et par cette lecture-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut guéri. Allah Azzawajal accorda la guérison au prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette lecture-là de ces deux Al-Mu'awwidhatayn lorsqu'il fut donc ensorcelé, comme il est rapporté dans As-Sahihayn, dans les deux recueils authentiques par l'Abid ibn al-A'sam al-Yahoudi, comme il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut effectivement ensorcelé et qu'il pensait voir des choses alors que ces choses-là ne lui arrivaient pas. Et c'était quelque chose qui était lourd pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ses compagnons. Et il rechercha la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala par la lecture de Al-Mu'awwidhatayn, ces deux sourates, Al-Falaq wa Nas. Puis le cheikh nous parla de ce que rapporta As-Sultan ici en parlant de quand la terre tremblera, sourate Al-Zalzala, et par les coursiers, Wal-Adiyat. Il dit, et chacune d'elles équivaut à la moitié du Qur'an. Le cheikh nous dit que ceci n'est pas véridique. Ceci est rapporté de manière faible. Puis As-Sultan Muhammad al-Alawi dit « Et nous l'avons certes fait descendre, qui équivaut au quart du Coran. » Nous l'avons certes fait descendre, qui équivaut au quart du Coran. De même que la course aux richesses, « Al-Hakmu al-Takathur » La course aux richesses vous distrait, qui équivaut à la lecture de 1000 versets. Le shir de nous dire que, concernant « Et nous l'avons certes fait descendre, qui équivaut au quart du Coran », ceci n'est pas véridique non plus. Par contre, « Al-Takathur », ceci fut rapporté dans le Mustadrak de l'Hakim et le shir de nous dire que la chaîne de transmission est faible aussi. Il y a dans la chaîne de transmission une personne qui est faible parmi les rapporteurs du hadith. Donc ceci, le fait que At-Takathur équivaut à la lecture de 1000 versets n'est pas non plus authentique. Puis Sultan Al-Alawi dit « Et dit ô vous les infidèles » donc « Salat al-Kafirun » qui équivaut au quart du Coran. Et ceci est notre cheikh de commenter et de dire que ceci n'est pas véridique. Par contre, il fut rapporté de manière véridique que Surat al-Kafirun est un désaveu du shirk, de l'association. Et dans une version, celui qui récite avant de dormir, celui qui lit avant de dormir Surat al-Kafirun, il lui sera écrit un désaveu de shirk, de l'association. Et ceci, sans aucun doute, est un mérite grandiose de cette surah, Al-Kafirun. Puis le sultan de dire, de même que dit, il est Allah unique, donc surat Al-Ikhlas, qui elle équivaut au tiers du Coran. Et notre cheikh de dire que ceci est rapporté de manière authentique, le fait que surat Al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran, de même qu'il est rapporté que certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui donnaient pas son importance et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc de leur informer de cela, qu'elle équivaut au tiers du Coran, de même que un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait l'habitude de lire cette surah, car il aimait cette surah et car elle détient la caractéristique de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il aimait lire par cette surah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui informer que Allah Azza wa Jal, que cet amour pour cette sourate l'a fait rentrer au paradis. Et autre parmi les mérites de cette sourate, sourate Al-Ikhlas, qui est une sourate grandiose. Puis, Al-Sultan Muhammad al-Alawi dit, entre autres parmi ses mérites, donc les mérites du Coran, que l'on ne peut dénombrer ni recenser. Donc il finit tous ces mérites qu'il a évoqués, comme nous l'avons vu avec notre cheikh ici. Certains de ces mérites sont authentiques, rapportés de manière authentique, et certains ne le sont pas, comme l'a expliqué notre cheikh, Hafidahullah Ta'ala. Puis Al-Sultan Muhammad al-Alawi termina en disant, entre autres parmi ces mérites que l'on ne peut dénombrer ni recenser, donc parmi les mérites du Coran que l'on ne peut dénombrer ni recenser. Ici, notre cher s'arrêta et je terminais le cours en lisant sur lui la conclusion de Sultan Muhammad concernant ce chapitre. Il dit, dans le sens de ses paroles, celui donc qui se contentera de cela, c'est-à-dire de l'apprentissage de Al-Fatiha, de Hizb Sabbih, de par l'obligation de rechercher sa subsistance, c'est-à-dire il devra se contenter de cela, seulement il se contentera d'apprendre cette partie-là, car il est obligé de rechercher sa subsistance, ce qui lui prend du temps et qui ne lui permet pas d'apprendre plus que cela du Coran. Donc, de par l'obligation de rechercher sa subsistance, ou qui ne montrera pas de signe d'excellence, aura certes mémorisé le début du Coran ainsi que sa fin. Et la générosité d'Allah tabaraka wa ta'ala n'exclut pas qu'il lui accorde la récompense de ce qui se trouve entre, c'est-à-dire entre le début du Coran qu'il aura appris et la fin du Coran qu'il aura appris. En revanche, s'il apparaît son excellence et que son travail ne lui empêche pas qu'il soit assidu dans sa lecture, il se peut qu'Allah lui ouvre sa poitrine et lui facilite alors son affaire religieuse, de même que la mémorisation du Coran. Et la réussite ne dépend que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et notre cher Cheikh Khalid termina en faisant des invocations pour ce sultan, pour ce gouverneur des musulmans, qui était quelqu'un de pieux et qui était quelqu'un de savant. Et nous terminons ici. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.